cachu dans ton petit intérieur de cœur au confort. Assis à regarder ailleurs, tu sais qu'elle t'aime fort, qu'elle t'aime fort. Alors tout à coup t'aimes tout le monde et puis tout le monde t'aime. Ça fait tout chaud au cœur, t'as plus le corps qui se traîne. Tu voudrais dire les mots qui veulent dire quelque chose. Les rivières, les forêts, les jardins de roses cachés dans ton petit intérieur de cœur au confort. Mais si, assis à regarder ailleurs, tu sais qu'elle t'aime fort. Toutes les radios diffusent les meilleures chansons. Y'a le temps qui s'en va ferrer les violons. Les petites pensées d'elle deviennent des présences. Y'a plus qu'à l'appeler pour qu'elle s'avance. Ta chance, chance. Jeter un œil vers le bleu pour tout ce qui est triste. Partout t'entends l'écho de vos voix qui se mêlent. Elle te dit que t'es celui, tu lui dis qu'elle est celle. Vous allez jouer à dans rien. Au moins bien après que le soleil ne se lève. Partout t'entends l'écho de vos voix qui se mêlent. Elle te dit que t'es celui, tu lui dis qu'elle est celle. Vous allez jouer à dans rien. Au moins bien après que le soleil ne se lève. Caché dans ton petit intérieur, le cœur au confort. Mais si, assis à regarder ailleurs, tu sais qu'elle t'aime fort. Je t'ai... jeter un œil vers le bleu. Pour tout ce qui est triste, t'oublies un peu. Elle est ta chose.